Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, il est midi sur les 106,6 MHz de Radio Campus, sur campuslille.com et sur DAB+. Et vous vous préparez à écouter Angle d'attaque, une émission proposée par les trois attaques de la métropole. Attaque A2TAC, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Une association d'éducation populaire. Avec, pour vous servir en l'absence de René La Science qui nous manque forcément et est au fond de son lit, nous écoute, Florent, l'informaticien qui surveille l'horloge, propose la pause musicale et le calendrier militant, Didier, le nouvelliste infatigable, Ludovic et Quentin sont absents pour indisponibilité, et puis Christian au micro. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? De pognon. De beaucoup de pognon même, celui de l'État, enfin d'une autre en fait. Et nous voulons savoir ce qu'il en fait, l'État, de ce pognon. Sur les ondes à la télé, en tendant l'oreille, vous avez peut-être entendu tel ou tel syndicaliste ou homme politique parler des sommes extravagantes que l'État verse aux entreprises à titre d'aide publique. Ça varie entre 160 et 200 milliards, c'est selon. Le mensuel Alternative économique en a même fait sa couverture le mois dernier, un pognon de dingue avec sous-titre « Les entreprises accro à l'argent public ». Ça veut bien dire ce que ça veut dire, mais à angle d'attaque, on vous en dit plus, on va à la source. En référence à ces articles, il y a une étude de qualité signée Clercé, publiée par l'IRES, lui-même mandaté par la CGT, et justement, un de ses auteurs nous fait l'amitié de la présenter. Bonjour Laurent. Bonjour. Laurent Cordonnier, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la quatrième fois que tu viens à ce micro. La première, tu étais maître de conférence. Tu es désormais, depuis quelques années, professeur. Tu es toujours chez les économistes atterrés. Voilà. Et la dernière venue, c'était pour Raison d'agir qui a eu la bonne idée de te proposer une nouvelle édition de Pas de pitié pour les gueux. 20 ans après, donc. Ça fait rien quand même. Bon, trêve de nostalgie, c'est Didier qui pose la première question. Oui, la première question qui porte sur le cadre de cette étude. Donc, je vois CGT, IRES, Clercé. Bon, CGT, c'est pas la peine de définir, mais enfin, les autres acronymes, est-ce que tu peux revenir là-dessus et présenter un peu comment cette étude s'est faite? Alors, cette étude est effectivement, se réalise dans un cadre contractuel et financier, on pourrait dire particulier. En France, les syndicats représentatifs des salariés se voient accorder la possibilité de financer un certain nombre d'études et de recherches venant de laboratoires publics en particulier, bon, dans le cadre d'une agence de moyens qui est pilotée par l'Institut des recherches économiques et sociales. Hein. Donc les sujets sur lesquels les syndicats souhaitent avoir de l'expertise, de l'approfondissement des connaissances sont discutés avec l'IRES, l'Institut des recherches économiques et sociales. Et puis ensuite, il est procédé par appel d'offres pour recruter des laboratoires ou des centres de recherche qui sont disposés à répondre à ces études. C'est ce qu'a fait le Clercé. Le Clercé, c'est le centre lillois d'études et de recherche en sociologie et en économie, qui est adossé à la faculté des sciences économiques, sociales et des territoires. Voilà un peu le cadre dans lequel ça se fait. Et à l'intérieur du Clercé, il y a une équipe essentiellement regroupant des économistes plutôt d'obédience post-keynésienne. Alors je ne sais pas si le repérage est utile pour nos auditeurs, mais qui en est déjà à sa troisième étude dans ce cadre-là. Et une quatrième devrait démarrer prochainement sur les nouvelles frontières de la réduction du temps de travail pour peut-être faire une annonce anticipée. Il y avait justement en janvier 2013 une étude sur le coût du capital et son surcoût. C'était fait par. C'était dans ce cadre-là dans aussi. C'était dans ce cadre-là aussi et c'était la première étude que nous avions effectuée pour la CGT dans le cadre de l'Agence des moyens dont on parlait. D'accord. Et donc, il y a toute une équipe quand même. Vous étiez 9, 8, je ne sais plus exactement. Alors, on peut les citer tous. Peut-être que, Christian, tu as justement sous les yeux toute l'équipe, sinon je le fais. Ayman Abdelsalam, Florian Bott, Laurent Cordonnier, Thomas Dallery, qui était ici en janvier, Vincent Duviquet, Jordan Melmiès, Simon Nadel, Frank Van Velde, alors là, l'historique, et Loïc Tange. Exactement. On en reparlera peut-être. Un des auteurs ou co-auteurs importants dans cette étude, il faut peut-être le signaler tout de suite, c'est Ayman Abdelsalam, parce que c'est un nouveau doctorant au Clercé. Enfin, à l'époque, il était nouveau doctorant. Et il a énormément travaillé sur le nouveau chiffrage de ces aides publiques dont on va beaucoup parler dans cette émission. Il l'a fait avec un courage, un entrain et une profondeur qui est tout à fait remarquable. À tel point que, peut-être qu'on aura l'occasion de le redire, mais le chiffrage qui a été sorti n'a jamais été contesté par personne. D'accord. Donc, un très bon travail. Et donc, en mai 2022, donc, sort l'étude qui sera le sujet de l'émission. Donc, un capitalisme sous perfusion, mesures, théories et effets macroéconomiques des aides publiques aux entreprises françaises. Donc, c'est ça que tu viens sur lequel, le sujet sur lequel on va plancher. Oui, alors, comme j'ai dit tout à l'heure en entrée, effectivement, on a entendu des chiffres un peu larges par rapport à la somme effective de 156,88. Si je me souviens. Très exactement. ce qui se passe, c'est que on a entendu souvent des chiffres. Je me souviens, effectivement, on avait eu un débat avec sur le blog de Jean Gadret là-dessus. Et Gilles Carret, par exemple, avait dit que la décennie 2000-2010, ça avait été très bénéfique pour les entreprises en termes d'aide publique, très mauvais pour etc. Mais on a quand même des zones d'ombre sérieuses, quoi. On a quelquefois, tiens, autant d'argent a été donné à telle entreprise, quelquefois c'est précis jusqu'à l'entreprise, et on n'a pas de série. C'est un peu le travail auquel vous êtes attelé. Et notamment, donc, j'ai bien compris, LM. En effet, ça c'est l'essentiel de ce que nous avons voulu faire dans ce travail, c'est qu'il n'existe pas à l'heure actuelle en France, disons, de documents budgétaires qui pourraient instruire la représentation nationale, aucun document qui fait la synthèse de l'ensemble des aides publiques attribuées aux entreprises chaque année. Alors que ce soit sous forme de dépenses socio-fiscales, c'est-à-dire en gros de baisse de cotisations sociales, que ce soit sous forme de baisse d'impôts, ou que ce soit sous forme de subventions directes aux entreprises. Aucun document ne recense ces affaires-là, et surtout il n'y a a fortiori pas de mise à jour de séries longues et d'évolution de ces dépenses qui pourraient être mises à disposition du public, des parlementaires, des partenaires sociaux ou d'autres grandes institutions. Donc on a voulu, et c'était le premier objectif de l'étude, essayer de répondre à cette carence en essayant de faire une estimation et en adoptant une méthodologie qui pourrait, disons, faire date et exemple, c'est-à-dire que qui ne prêterait pas le flanc à une critique, ni d'une partie ni d'une autre, et qui reposerait intégralement d'abord sur de bonnes catégories, une bonne catégorisation de ces aides, et puis qui ensuite, pour le chiffrage, s'appuierait sur les documents budgétaires dont on dispose, mais alors là où il fallait collecter, picorer dans des sources très éparses pour arriver à un chiffrage global. Ça, c'était l'enjeu premier de notre travail. Et peut-être que c'est un certain succès de ce point de vue-là, parce que comme je l'ai dit en introduction, le chiffre de 156,88 que tu as rappelé, Christian, n'a fait l'objet d'aucune critique par aucune Oui, c'était parfaitement aucune accepté. Autorité. Disons. Ça semble effectivement parfaitement accepté. Alors, en lisant l'étude, moi j'étais sidéré. Le mot aide n'existe pas en fait. Il a fallu que vous piochiez dans le vocabulaire européen aussi. Alors oui, ça c'est peut-être un mystère. Alors bon, il y a quelques petites définitions qui traînent parfois, comme ça, dans des missions d'enquête ou des rapports parlementaires et qui proposent une définition des aides. Mais ça n'est pas un hasard parce que l'ensemble du droit en matière d'aide publique est un droit européen. Bon. Et c'est donc au niveau des traités de l'UE que sont définis ce que sont des aides publiques. Et pour une raison simple, hein, alors après l'histoire est beaucoup plus tortueuse que ça, mais parce que pour être direct et simple, l'Union européenne, par principe, bannit les aides publiques. De fait. Bon, concurrence. Et au nom de la, mais tout à fait. Hein, c'est-à-dire que les aides publiques sont carrément définies, non pas en substance, mais en intention, ou en effet. Quand on regarde la définition de l'Union européenne, une aide publique, voilà, c'est un transfert entre la puissance publique et les entreprises privées qui menace de fausser la concurrence. Bon, donc, a priori, c'est interdit. En réalité, on peut quand même faire tout ce qu'on veut. Bon, alors, on ne va pas faire une longue histoire de ça, mais pratiquement tout ce qu'on veut. Ce n'est pas l'objet de l'étude, mais tous les pays d'Europe font pareil ? Alors, en effet, l'ensemble des pays d'Europe ont des dispositifs d'aide aux entreprises. Alors, vous imaginez que dans le rapport qu'on a consacré à la France, il était un petit peu difficile d'étendre ça à 15 pays, parce que la lourdeur du travail est déjà abyssale, mais bon... À certains moments, on peut opérer quelques comparaisons avec l'Allemagne. Si vous voulez, on pourra y revenir. Mmh. Alors, moi, la porte de l'étude, c'est ce que tu commençais à dire, mais c'est un cadrage général pour qu'on s'y retrouve. Pour qu'on s'y retrouve complètement, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait effectivement mettre les choses dans les boîtes. Séparer, c'est ce qui devait être séparable. Ce qui était séparable, et essayer d'avoir quelque chose de construit immédiatement lisible, si j'ose dire. Bon, l'important, c'était d'avoir un chiffre agrégé, oui. Qui ne soit pas contesté, comme on l'a dit, d'en donner aussi la mesure. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle tout de suite, mais qu'en fait, qu'est-ce que ça représente qu'est-ce que ça représente, ces 160 milliards, 158 milliards ou 160 milliards. Il faut quand même en prendre un petit peu la mesure. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour vous. On reste sur la méthodologie. Mais en effet, le résultat global est tout de même impressionnant parce que si on le rapporte à différentes choses qui nous aident à prendre cette mesure, ça représente, alors je cherche précisément les choses, ça représente 27% des dépenses totales de l'État. Bon, 27%, on arrive presque à un tiers. C'est peut-être pas la meilleure base de comparaison qu'il faut prendre. Il faut peut-être prendre bout à bout, parce que ça impacte le budget de l'État, mais aussi le budget de la sécurité sociale. Donc il faut peut-être comparer quand même plus raisonnablement à ces deux budgets qui sont colossaux. Hein, quand vous mettez budget de l'État plus budget de la sécurité sociale, on arrive à peu près à 1 000 milliards d'euros par an. Donc ça représente en gros 16% des dépenses totales de la sécurité sociale et de l'État. Alors, dit comme ça pourrait paraître un petit peu minorant. Reprenons d'autres étalons, si j'ose dire. C'est deux fois quand même le budget de l'éducation nationale. Ah ouais. Oui, c'est ça, en effet. Qui est de 77 milliards d'euros par an en 2020. Et puis, c'est pratiquement équivalent au déficit budgétaire de l'année 2022 qui était de 154 milliards d'euros. Voilà, on voit bien qu'on est sur des ordres de grandeur exactement équivalents. Mmh. Et déficit budgétaire dont on sait que l'ensemble des institutions économiques orthodoxes nous demandent de le réduire. Bon. Oui. Je ne vais pas faire peut-être la connexion tout de suite avec la retraite, mais quand on cherche des milliards, c'est tentant. Quand on cherche des milliards, et pas beaucoup d'ailleurs, quand on cherche 16 milliards d'euros par an du côté d'une réforme des retraites, évidemment, le débat interdit, c'est celui qui porte sur ces aides publiques aux entreprises qui sont 10 fois plus élevées que, que cette impasse budgétaire, soi-disant, concernant les retraites. Voilà, c'est peut-être une manière de prendre la mesure des choses. Peut-être un dernier chiffre, si je ne me trompe pas et si ma mémoire ne me trahit pas. On peut comparer aux dividendes aussi versés par les entreprises chaque année, ça intéresse. Ça peut être effectivement sans doute, beaucoup nos camarades d'attaque. Oui, alors, nos camarades actionnaires aussi, sûrement. si vous en connaissez. Alors, prenons les chiffres de 2001. En 2001, l'ensemble des dividendes versés en France par les sociétés non financières, donc ça ne concerne pas encore toutes les sociétés, puis il n'y a pas les institutions bancaires et financières, c'était à peu près 230 milliards d'euros. Alors je ne dis pas qu'il y a une tuyauterie qui va directement des aides publiques aux dividendes, évidemment il y a des rapports, des stratégies économiques compliquées entre les deux, mais on voit bien que ça peut participer de l'alimentation de ces dividendes aux entreprises. Voilà pour la mesure. 2021, c'est ça. Les chiffres que je donne, c'est 2021. Oui. J'avais compris 2001. Non, 2021, Didier. Pardon. Non, ce dont vous parlez, donc le pognon de dingue, c'est pas exactement la même chose que le fameux quoi qu'il en coûte macronien. Oui, mais tu fais bien de poser la question. On a arrêté nos comptes en 2019. Précisément pour ne pas prêter le flanc à une confusion ou de l'extravagance dans les comptes. Et donc, dans ce chiffre qu'on a indiqué, rien ne figure au titre du quoi qu'il en coûte et des mesures qui ont été prises pendant la crise Covid. Alors moi, j'avais noté quelques chiffres qui me semblaient intéressants par ce que tu dis. Dans les dépenses fiscales, elles ont été multipliées par 3 entre 1981, qui est la date de départ de votre étude, à 2021, qui était allongée. Les dépenses socio-fiscales multipliées par 25 depuis 1993. Les dépenses budgétaires multipliées par 48 depuis 2021. Alors, et enfin, les aides publiques aux entreprises, le total, c'était multiplié par 5 de 1980 en 2021 en francs constants, en euros constants. C'était les grands tableaux que vous aviez faits, et j'ai pris des dates qui me semblaient intéressantes, 1993 par hasard, et 2013 en fait. Là, j'ai quand même un doute, Christian. Je pense que le grand tableau que tu as, c'est en euros courants. C'est en euros courants, j'ai dit quoi ? Tu as dit constant. Ah, pardon. C'est en euros courants, c'est-à-dire non déflaté de l'évolution des prix, mais c'est pas une erreur extrêmement grossière, parce que c'est pour ça qu'il vaut mieux peut-être commencer la comparaison en 2000. Oui. Après la période inflationniste, parce que là on a quasiment plus d'inflation dans le pays, je ne dis pas qu'il ne faudrait pas faire le calcul en euros courants, mais si on dit que depuis 2000, tout ceci a plus que doublé, voilà, on ne dit rien de faux, et c'est même assez juste. Bon, voilà, donc l'ensemble de ces dispositifs sont montés en puissance à partir des années 80, c'est très net. Bon, ne représentait pas grand-chose à cette époque-là, et a encore connu un coup d'accélérateur à partir des années 2000, puisque voilà, en masse, globalement, ça représente plus qu'un doublement. Entendu. Donc on va passer peut-être à une deuxième partie sur les justifications économiques et théoriques des aides. Oui, comment justement l'État justifie ces aides économiques ? Bon, et ils vont parler évidemment d'emploi, d'investissement, tout ce que tu veux, mais enfin, est-ce qu'il y a des motivations plus... d'autres motivations que celles-ci ? Non, je crois que même si tu les as citées vite, la plupart du temps, ce sont celles-là. C'est-à-dire, les objectifs allégués en matière de politique économique qui passeraient par ces aides essentiellement incitative, hein. Ces objectifs, ce sont prioritairement l'emploi, l'investissement, l'innovation, éventuellement aussi des politiques qui commencent à s'articuler autour d'objectifs de développement durable, dirons-nous, ou de transition énergétique, et puis le soutien à certains secteurs qui pourraient être affaiblis par les conditions de la concurrence internationale, donc des mesures, disons, défensives pour maintenir la compétitivité des entreprises, sans qu'on pointe en particulier l'un des objectifs dont on va parler. Donc c'est du très très classique. Ce qui est beaucoup moins classique, c'est que la recherche de ces objectifs est de plus en plus passée par ces instruments qui reposent sur la théorie des incitations. C'est-à-dire que si l'État, d'une certaine façon, met les bonnes subventions au bon endroit, modifie les coûts relatifs au bon endroit, eh bien il suffit de laisser faire les acteurs avec ces nouveaux signaux et ces nouvelles incitations pour qu'ils réorientent leurs actions dans le sens plus créateur d'emplois, plus créateur d'innovation et plus promoteur d'investissement. Et pour me faire un peu l'avocat du diable, est-ce qu'on peut pas parler de keynésianisme à ce sujet? Alors là, le diable a vraiment des avocats excellents et souvent mal payés, on pourrait dire ça. On en est quand même extrêmement loin. Alors, oui, sous un angle qu'on pourrait qualifier de purement symptomatique, c'est comme le Canada Dry, ça ressemble à du champagne. Il est certain que l'ensemble de ces ristournes, de ces dispositifs de baisse de cotisations sociales ou de baisse d'impôts, ont creusé les déficits. Et tout à l'heure, on disait, alors là encore, il faut, bah, c'est pour donner des ordres de grandeur, c'est pas pour donner des causalités. Mais on a vu que l'ensemble de ces aides et de ces baisses de fiscalité ou de cotisations représentent à peu près le déficit budgétaire de l'année 2022. Bon. Donc on pourrait dire, bah oui, c'est très keynésien, c'est une manière de créer du déficit budgétaire, et donc c'est une manière pour que l'État soit contributeur net à la formation de la demande globale dans l'économie. Ouais. Il va prendre moins sur les revenus des agents qu'il ne va injecter d'argent dans la dépense totale de notre société, et de ce point de vue-là, c'est censé soutenir l'activité économique. Alors, bon, donc je suis allé au plus loin de ce qu'un avocat mal payé peut faire pour le diable. En réalité, ça a très peu de choses de keynésienne, parce que c'est au contraire inspiré des politiques de l'offre. Et le sous-jacent théorique ou doctrinal de ces politiques de l'offre consiste à dire que il ne faut pas décourager les agents économiques de travailler, de produire, d'innover, et donc l'essentiel du problème viendrait donc de l'allant, de l'appétit, de l'envie d'accroître le gâteau, de produire plus, de travailler plus, comme dit la doctrine de M. Macron, et pas du tout une pensée en termes de génération de la demande. Mmh. Et pour les keynésiens, c'est la manière la plus inefficace et la plus régressive de créer du déficit budgétaire. Et sinon, est-ce que bon, il n'y a pas de contrepartie à ce pognon de dingue? Bon, là aussi, c'est quand même quelque chose d'assez choquant. C'est même assez impensable. Enfin, oui. C'est vrai que quand on y réfléchit un tout petit peu, il est bien question de distribuer de l'argent public sans contrepartie en termes de biens ou de bienfaits collectifs, et sans garantie qu'en face de cet argent public, il y aura du bien public produit, du bien collectif produit. C'est vraiment de l'argent dépensé, comme je le disais tout à l'heure, avec un arrière-plan très libéral, mais libéral dans les deux sens, politique libérale et libéralité, c'est-à-dire que les entreprises en font ce qu'elles veulent. Proprement, elles en font ce qu'elles veulent. D'accord. Il y a une espèce de pari pascalien du côté de l'État que parmi ce qu'elles voudront, ça consistera à augmenter l'investissement, l'emploi et l'innovation, mais jamais, au grand jamais, il n'est demandé le moindre engagement en contrepartie aux entreprises. Donc, s'il y avait un scandale dans la République qui dépasserait peut-être toutes les autres, il est là. Hein. Je n'hésite pas à parler comme ça. C'est absolument insupportable. Et on a des exemples plus concrets avec ce qui s'est passé avec le CICE et le CIR. Donc, là aussi, pour l'emploi, l'investissement, etc. Et quelle a été leur efficacité? Alors, bon... Il est tout à fait pertinent de prendre l'exemple du CICE. Donc, rappelons que c'est un dispositif qui a été mis en place sous la présidence de François Hollande. C'était un crédit d'impôt au nom de la compétitivité de l'emploi, d'où CICE. C'est-à-dire qu'en fait, l'État ristournait aux entreprises une partie finalement de l'impôt sur le bénéfice des sociétés, En fonction du volume de la masse salariale qu'elle payait entre 0 et 2,6% le SMIC. Donc, en gros, il s'agissait de baisse d'impôts sur les profits des entreprises. Et sous le mandat d'Emmanuel Macron, en 2019, ce CICE devenu a été transformé en baisse de charges sociales pérennes sur les bas salaires. Enfin, bas salaires avec des guillemets, parce que ça va jusqu'à 2,6 SMIC. L'intérêt de ça... de parler du CICE, bon d'abord c'est parce que c'est la dernière tranche massive de ces aides publiques aux entreprises. L'intérêt c'est que dès la mise en place de cette mesure, il a été prévu par les pouvoirs publics qu'il y aurait un suivi permanent et une évaluation permanente de ce dispositif par trois centres de recherche. Dont on peut dire qu'ils étaient plus ou moins choisis parce qu'ils avaient des obédiences un petit peu différentes, donc pour aussi asseoir une espèce de consensus ou de ouais, moyenne. Ouais. Bon, et si on va très vite, ces évaluations ont eu lieu, elles ont suivi le dispositif pendant un certain nombre d'années, et au mieux, c'est-à-dire, disons, le centre de recherche qui était le plus attiré par faire apparaître des résultats favorables, a conclu à 300 000 emplois créés ou sauvegardés de manière pérenne grâce à ce dispositif, qui est pérenne, hein, et qui en gros atteint 20 à 22 milliards de dépenses socio-fiscales par an. Bon. L'estimation la plus pessimiste était en dessous de 100 000 emplois et celle de l'OFCE était à 160 000 emplois. Bon, donc si on prend cette estimation médiane, bon, entre les deux bornes, 160 000 emplois pour 22 milliards dépensés chaque année, ça met l'emploi créé à 150 000 euros. Cher de l'emploi. À 150 000 euros. Ce qui est, en effet, de l'ordre du scandale. Du scandale total. Je crois qu'on avait fait une étude, je crois qu'une étude a été faite aussi pour calculer si on avait mis à 6 000 euros plutôt que 6 000 euros par mois plutôt que 150 000 euros par an, on avait un chiffre quand même qui est tout à fait raisonnable, plus de 500 000 emplois ou plus de 600 000 emplois, je crois quelque chose comme ça. Ah ben je connais pas ce chiffrage, Christian. Et ce qui a été montré par ailleurs, c'est pas par ailleurs, c'est aussi au cœur du sujet par ces études, c'est que non seulement ça n'a pas eu d'effet sur l'emploi, mais les effets sur l'investissement sont quasiment indétectables. Bon. Oui. Il y a un petit peu d'augmentation de salaire à cette occasion-là, de salaire net, mais c'est très faible. Bon. Et donc l'essentiel, absolument l'essentiel, est parti dans le redressement des marges des entreprises. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc là, on peut se dire, même si on n'a pas tout à fait les moyens d'établir cette causalité de manière rigoureuse, si les marges des entreprises ont augmenté sans que l'emploi augmente, sans que l'investissement augmente, ben on peut se dire qu'une grande partie est allée alimenter la production ou le versement des dividendes. En tout cas, l'effet réel, c'est que ça crée une dépendance. Il est bien évident que les entreprises attendent maintenant ces aides et qu'elle fonctionne en fonction de ça. Alors c'est en effet un des apports aussi de cette étude a été de pointer le fait qu'une fois que ces aides sont installées et durablement installées dans le paysage économique... Tant que c'est passé, le CICE est passé en cotisation sociale. Alors, et maintenant, on voit bien qu'il y a des tentatives pour les pérenniser, pour disons les institutionnaliser encore plus, rendre leur caractère moins exceptionnel. On peut dire que en 40 ans, le développement de cette tuyauterie, si j'ose ainsi dire, fait partie du nouveau régime de fonctionnement du capitalisme contemporain. Bon. Il sert, c'est notre conviction, on la défend dans ce rapport, il sert d'une certaine façon à créer une alimentation en sur-régime de la rentabilité des entreprises dans un contexte où finalement l'environnement qui parfois a été créé pour ces entreprises est lui-même très dépressionnaire. Parce que la mise en concurrence de l'ensemble des entreprises au niveau de la planète, la mise en concurrence de l'ensemble des salariés au niveau de la planète ont contribué à configurer un capitalisme finalement très dépressionnaire. Hein. Ça fait quasiment 10 ans qu'on titille la croissance zéro. Ouais. Alors, peut-être la planète remerciera ce capitalisme un jour, mais on arrive quasiment à la croissance zéro. Bon. Et donc, notre interprétation, c'est que l'ensemble de ces aides aux entreprises sont une recette pour continuer à faire du profit aux entreprises, alors même qu'elles ne sont plus dans une dynamique d'accumulation du capital et d'investissement. C'est du dopage, quoi. C'est du dopage. Alors, nous, on a parlé d'entreprises sous perfusion. On peut parler de béquilles du capitalisme. Je crois que c'est Anicet Lepors qui avait employé cette... Ah oui, c'est Anicet Lepors, en 1977. Les références tombent toutes seules. Ouais. 1977, c'est ça. Mmh. Voilà, on peut parler de béquilles du capitalisme. Et donc, une fois que c'est là, c'est difficile de dire, bon, ben, il n'y a qu'à tout retirer. Bon, même si on est en train d'entretenir évidemment un système qui est à bout de souffle, et donc il y a une certaine forme d'irréversibilité qui est créée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. En particulier, l'une de nos convictions également, c'est que le CICE ne servant absolument à rien, sauf en effet à redresser les marges des entreprises, c'est la première chose qu'il faudrait complètement retravailler, si ce n'est purement et simplement supprimer. Oui, alors je voulais aussi poser une question, mais c'est peut-être un peu prématuré. Je voulais, sur le plan de relance du gouvernement, donc c'est pas tout à fait dans le cadre de votre étude, vous avez quelques éléments là-dessus ou... Non, alors on a carrément arrêté les comptes, ouais. Si j'ose dire, à 2019. Alors, Ayman Abdelsalam, dont je parlais tout à l'heure, qui est la cheville ouvrière de tout ce qui est la partie évaluation, est en train d'actualiser les chiffres avec une autre chercheuse. Bon, les choses vont être publiées, vont bientôt être mises en avant. Pour l'instant, on n'en parle pas trop. Mmh. Mais c'est un exercice quand même difficile, parce que ça mêle en effet à la fois ce qu'il y avait avant 2019, ça mêle la période de du quoi qu'il en coûte, et puis en effet le plan de relance que tu évoquais, mais pour lequel on n'a pas en effet fait un travail suffisant pour avoir des avis construits et intelligents. Alors il y avait une question qui me semblait intéressante aussi, c'est le fait de jouer sur les aides publiques, notamment socio-fiscales, et pourtant on est toujours les champions des prélèvements obligatoires en France, et alors qu'il y a des choses qui baissent, quoi, il y a moins de fiscalité pour les entreprises. Est-ce que tu as une réponse à ça, ce mystère? Bon, il n'y a pas 36 solutions, mais on l'a fait apparaître dans le rapport. Hein. C'est que cette fiscalité qui est allégée sur les entreprises est reportée sur les ménages. Voilà. Ouais. Hein. D'accord. Donc, ça s'est retrouvé du côté des prélèvements obligatoires sur les ménages, donc une espèce de vase communicant. Et puis ça s'est retrouvé aussi dans le creusement du déficit budgétaire. Hein. Voilà, dans les dettes, effectivement. Dans l'augmentation des dettes publiques. Ouais. Alors on va essayer de quitter le monde orthodoxe, essayer de réfléchir sur donc le monde hétérodoxe. Donc les aides étant peine perdue, sauf pour le capital, est-ce qu'on pourrait avoir des aides à ce montant-là? Enfin, je répète, hein, c'est 157 milliards d'euros qui pourraient être utiles pour l'État. Vous avez des propositions? Alors oui, un certain nombre de propositions. Alors il faut quand même dire deux mots de la manière dont ceux qui s'opposent à nos interprétations, je dis bien à nos interprétations et à nos analyses, et pas à nos chiffres, parce que ce point-là n'a pas été contesté, la ligne de défense est assez systématiquement sur le mode « oui, mais en France ». Si précisément il a été procédé à autant de ristournes de cotisations sociales, d'impôts aux entreprises, c'est parce que nous faisions partie des pays qui taxions déjà le plus les entreprises. Bon. Donc c'était une manière de faire une partie de bonneteau en disant pour rendre les entreprises françaises compétitives, il faut absolument leur rendre ce qu'on leur a pris de l'autre côté, et ces dispositifs en font partie. C'est l'argumentation, disons, des milieux plutôt de droite ou des milieux libéraux ou patronaux. Bon. Alors, pour partie, c'est vrai, c'est-à-dire que la France, alors on n'a pas fait toutes les comparaisons internationales, et surtout pas dans le rapport, on était bien incapable d'entreprendre ce chantier, mais quand on fait, par exemple, des comparaisons avec l'Allemagne, c'est vrai que la France, grosso modo, quand on fait prélèvement sur l'entreprise, moins ses ristournes, avait à peu près 12 points de pourcentage de plus élevé que l'Allemagne. Mais précisément, cet écart s'est considérablement réduit depuis qu'ont été accélérés ces dispositifs, et l'écart aujourd'hui n'est plus que de 6 points. Or, on n'a absolument pas vu bouger les lignes dans le domaine du rétablissement du commerce extérieur, par exemple, ou de la compétitivité française. Bon. Alors évidemment, je continue à me faire l'avocat du diable. Dans ce genre de circonstances, quand vous pointez l'inefficacité de ce type de dispositif à vos opposants en leur disant « mais on aurait quand même dû voir un petit peu d'élasticité entre l'effet et la cause quand même, puisque maintenant on a suffisamment de recul, ça fait 10 ans que ces aides sont entreprises à grande échelle », la réponse systématiquement, vous pouvez vous en douter, c'est un discours contrefactuel du type « oui mais c'est parce qu'on n'est pas encore allé assez loin ». Ouais, c'est ça. Oui, d'accord, il en faut encore un peu plus. Il en faut encore un peu plus. Et d'ailleurs, vous voyez bien ce que le Sénat a mis en place dans le nouveau contrat senior plus de 60 ans pour les retraites. C'est de nouveau un contrat assorti de baisse de cotisations sociales. Bon. Donc, en gros, il n'y en a jamais assez et on n'est pas allé jusqu'au bout de cette chose. C'est un peu l'éternel argument des libéraux, d'ailleurs. C'est parce qu'il n'y a pas assez de libéralisme qu'on n'y arrive pas. Quoi. Et tant que ça ne marche pas, il faut continuer. Ouais. C'était à peu près aussi les maximes des Shadocks. Donc, pour répondre à ta question, bon, d'abord, on pourrait dire la moindre des choses, enfin, c'est une coquetterie ce que je vais dire, la moindre des choses, c'est qu'il y ait quand même de l'évaluation systématique. Or, c'est pas fait. C'est pas fait. Et il devrait y avoir finalement un conseil d'évaluation de ces politiques publiques qui synthétise déjà. Il y a des choses quand même qui existent, bon, mais elles ne sont pas rassemblées, elles ne sont pas organisées dans une stratégie systématique d'évaluation, elles ne sont pas dotées de moyens. Bon. La première chose en République, c'est quand même de demander si ce qu'on fait, ça marche. Bien. La plupart du temps, ça ne l'est pas fait, sauf cas un peu particulier dont j'ai parlé, le CICE. Deuxième chose, qui est encore une des moindres des choses, ce serait de conditionner ces aides publiques à des objectifs ou des indicateurs. Tiens, c'est bizarre, les indicateurs, on les introduit dans la fonction publique, on les introduit dans l'hôpital, on les introduit à l'école, mais bizarrement, c'est assez peu fréquenté du côté des entreprises, même si ça commence à arriver à travers les rapports de RSE. On pourrait tout à fait conditionner, au moins si l'objectif c'est l'emploi, à l'emploi. Bon. Alors, c'est pas simple du tout. C'est pas simple du tout de dire si une entreprise a créé de l'emploi ou pas, si elle l'aurait créé sans l'aide ou pas. Bon. Mais une des façons de le faire, c'est peut-être de l'assortir à un dispositif de réduction du temps de travail. Parce que là, on sait que quand on réduit le temps de travail, ça génère nécessairement une demande de comblement, qui n'est pas de 100%, d'emploi. Mais d'emploi, de la part des entreprises. Et donc, dans cette façon de faire qui était celle de Robien ou de Aubry à l'époque où la réduction du temps de travail était sur une base volontaire, il s'agit bien de ristourner aux entreprises les économies que l'État et la sécurité sociale font lorsqu'il y a une réduction du chômage, et ça participe de l'incitation à créer ces emplois. Donc conditionner soit à la réduction du temps de travail, parce que là on sait que ça a une efficacité, soit conditionné à des objectifs qui sont extrinsèques. C'est-à-dire, si on n'est pas capable de dire aux entreprises, bon, voilà, c'est 22 milliards et il nous faut 1 million d'emplois. Ce que disait M. Gantois à l'époque, ça va créer 1 million d'emplois. Oui. Pour donner du courage à M. Hollande, il n'y a pas eu un emploi. Ça n'a pas été 1 million. On a vu au mieux, c'est 160 000 emplois créés ou sauvegardés. C'est Gattaz qui disait ça, je crois. C'est Gattaz ou. Ouais, c'était Gattaz qui disait ça. Ouais, ouais. Le gars fait une mémoire d'enfer, lui. Bon, pardon alors. Pardon alors pour l'erreur chronologique. Mais l'autre manière de faire, c'est de dire, ben non, mais on va prendre d'autres biens communs, puisque celui-là, on peut pas le mesurer, donc bien commun, ben, on assortit ces aides, ou on les conditionne, même si l'objectif est l'emploi, on les conditionne à davantage d'égalité homme-femme dans les entreprises, à une réduction des pollutions, des effluents, du CO2, de l'usage de l'eau, de la dégradation de la biodiversité, de l'emprise sur les sols, voilà ce qui est tout à fait possible. Et ce n'est pas du tout quelque chose, disons, voilà, qui est sorti de la tête de chercheurs un petit peu inventifs. Il y a eu un rapport parlementaire présidé par Monsieur Viry il y a à peu près de ça 2 ans, je pense que c'était mars ou avril 2021, qui remettait sérieusement sur la table la question des conditionnalités. Et qui voyait bien que pour aborder la transition écologique qu'il nous faut opérer, on ne peut pas laisser des masses ou des sommes d'argent aussi considérables dans la nature sans se préoccuper de l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs de qualité. Mais tu es en train de nous dire qu'il faut renforcer l'État, du coup. En tous les cas, il faut le délibéraliser. Ce qui est pratiquement la même chose. Ouais. Enfin, je crois qu'on dit, on dit la même chose. On va le dire comme ça. C'est-à-dire que l'État est fort, aujourd'hui. D'une certaine manière, bon, l'État plus la sécurité sociale, dans un pays comme la France, n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. Si on raisonne en masse, raisonne en masse de socialisation des dépenses, de mutualisation des dépenses, l'État social, on pourrait dire, d'une certaine manière, est encore là. Mais il a été organisé sous une forme concurrentielle, insécuritaire, pour ses bénéficiaires, et prédateur, au service des entreprises et de leurs profits. Donc c'est un État qui est de plus en plus, je ne sais pas si le langage marxiste est familier de ma bouche, mais c'est un État qui est de plus en plus un État au service du capital et en défense du système capitaliste. Oui, alors il y avait une autre idée que je me semble avoir trouvée chez vous, c'est l'idée de l'économie de mission de l'entreprise qui lance, je prends l'exemple que prend Mariana Mazzucato, donc j'avais vu, mais c'est bien dans votre étude ça ou pas? J'ai trouvé ça quelque part quand même. Alors j'avoue que je ne l'ai pas relu depuis pratiquement 15 mois, donc je te fais confiance Christian. D'accord, merci. Oui, alors donc c'était l'idée d'avoir une entreprise qui mène les autres entreprises, qui est une entreprise mission, et aux États-Unis, l'exemple que prend Mariana Mazzucato, c'est évidemment la recherche spatiale qui entraîne, c'est une autre façon de revoir effectivement l'entreprise, comment dire, la théorie keynésienne, d'avoir un petit leader qui emmène l'ensemble de l'économie derrière. Et moi, je me posais la question de savoir si ce n'était pas ce qu'était en train de penser Macron pour le nucléaire. Pour le nucléaire, quoi. Oui. Et si c'est ce qu'il pense, je pense que voilà, c'est se fourvoyer une nouvelle fois. Parce que, oui, sa pensée serait complètement homothétique à celle du ruissellement. Et ça risque de pas marcher. D'autant plus que les chantiers qu'il faut entreprendre pour la transition écologique et sociale, il faut le souhaiter, sont des chantiers bien plus colossaux et en réalité avec des effets transversaux beaucoup plus importants que d'envoyer, j'en sais rien moi, des hommes ou des femmes sur Mars ou faire des micro-centrales EPR. C'est isoler les logements, par exemple. Isoler les logements très vite. Il faut faire le chantier en 10 ans. C'est beaucoup plus simple, entre guillemets, à penser technologiquement, mais c'est beaucoup plus compliqué à penser du point de vue organisationnel. Bon. Et donc, il y a un côté distrayant du pouvoir à nous dire on va continuer à faire ce qu'on peut faire dans un environnement désorganisé, on va créer une nouvelle filière nucléaire. Bon, ça, c'est encore pas trop impensable pour le néolibéralisme. Mais organiser vraiment sur tous les plans, planifier correctement la période de transition écologique, ça, c'est beaucoup plus difficile, mais ce serait beaucoup plus intéressant du point de vue de la retombée sur les territoires, de l'ensemble des travaux qu'il faut effectuer, de l'emploi. Le grand chantier, c'est celui-là. Bien, bon, on va arrêter sur ce grand chantier-là. Merci. Merci de votre invitation. Je pense que tu as vraiment développé ce que nous attendions, en fait, sur la source de ces 157 milliards et comment vous avez travaillé. Merci donc à Auclercé, merci à la CGT d'avoir commandé cette idée. Et on va passer à une pause musicale. Merci Florent. Les macronistes sont dans la place. Hey yeah. Martinez, t'es foutu. Le MEDEF est dans la rue. Hey. Ok, Sur les plateaux de BFM, comme un peu partout sur les ondes, les nouvelles en France sont les mêmes, paraît que la révolte gronde. Que toute la gauche bat le pavé, même le PS est dans la rue, longtemps que c'était pas arrivé, Olivier Faure est tout perdu. Mais à Matignon, à l'Elysée, on lâche rien, on reste debout, hasta Marlène Schiappa siempre, oui on se battra jusqu'au bout. Que les gauchos viennent nous chercher, car à toi Philippe Martinez, on est courageusement caché derrière les cordons de CRS. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. C'est pas trois Gaulois réfractaires qui vont nous faire la leçon. D'après les chiffres du ministère, en fait c'est plutôt 3 millions. Mais même contre la France entière, c'est nous tout seuls qu'on a raison. On lâchera rien, pas un copec, pas une année de cotisation. D'abord si t'aimes pas notre loi, c'est que tu n'as pas bien compris. Heureusement on est les rois pour ce qui est de la pédagogie. Les sondages donnaient en janvier 55% d'opposants. On retourne tous à la télé, ça passe à 80%. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Le 7 mars on bloque le pays et on brûle des portraits de Macron. Merde, ça c'est un tract de les filles que j'ai pris sans faire attention. Macronistes de tous les pays, unissons-nous contre ces despotes. Bon, on est 14 et demi, mais on a Olivier Dussopt. Tous solidaires avec nos frères, les PDG du CAC 40. Solidarité avec Patrick Pouyanné. Solidarité avec Vincent Bolloré. On est là. Et pour qu'il y ait moins de fonctionnaires, même si Ruffin le veut pas, nous on est là. CGT, t'es foutu, le MEDEF est dans la rue. CGT, t'es foutu, le MEDEF est dans la rue. Martinez, si tu savais. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Ah, mais je crois qu'on est dans la face, là. Ouais. Ah, puis on est que quatre, là, hein, en fait, hein. Bon, ouais. On se fait un brunch ? Ah non, non, moi j'ai un conf call, là, désolé. En revanche, les loulous, hein, on se fait un peu de C'était Macron lâche rien, les goguettes. Ouais. Et c'est effectivement au goût du jour, c'est le moins qu'on puisse dire en ce moment. Eh bien, on va passer aux actualités d'attaque, évidemment, on regrette... On regrette René et son absence, et puis on sera de notre mieux, Didier. On va essayer, oui. Donc sur le plan national, bon, on signale que cet agenda a été écrit avant l'usage brutal du 49-3, donc même s'il nous questionne, il ne remet rien en cause sur le fond du point retraite. Donc bon, il y a évidemment une manifestation le 23 mars, donc à 14h30, porte de Paris. Il y a aussi des rassemblements réguliers à 18h, place de la République. Donc retraite c'est toujours non pour nous, donc la campagne contre la réforme des retraites se poursuit, aussi bien dans la rue avec les Rosies, donc un groupe de femmes pour attirer l'attention sur les effets de la réforme sur les salariés, et un texte de Jean-Michel Arribé contre la capitalisation où cette réforme veut in fine nous mener. Donc le texte est sur le site d'Attaque et on vous le recommande chaudement. Oui, oui, effectivement, faut lire ce texte qui est très complet et très intéressant. Stop TAFTA, c'est tape pas mort. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, je veux dire par là qu'on a, à Attaque en particulier, on a longtemps été mobilisé contre les traités de libre-échange, donc une mobilisation sur laquelle Attaque s'est beaucoup investi ces dernières années. Donc les accords de libre-échange qui sont des véritables, selon nous, des calamités sociales et écologiques au profit exclusif des multinationales. Donc ces traités refont parler d'eux, donc l'accord de libéralisation du commerce entre l'UE et les pays du Mercosur, pays essentiellement d'Amérique du Sud, n'est pas mort. La Commission européenne veut les ressusciter à tout prix. Donc depuis 2019, ce projet d'accord avait de fait été gelé, notamment en raison de la mobilisation de la société civile. Mais le processus de finalisation et de ratification de l'accord a repris lors de ce premier semestre 2023 dans l'opacité la plus totale, ça c'est une habitude. Et le collectif donc Stop TAFTA, CETA, Mercosur appelle les organisations de la société civile, les citoyennes et les citoyens, les collectivités territoriales et les élus à se mobiliser pour l'empêcher. Donc Macron avait réaffirmé l'opposition de la France, mais il n'est pas certain qu'il mène vraiment bataille à Bruxelles, pas plus qu'il ne tienne fermement cette position longtemps. Oui, on précise quand même que Lula est pour, hein, au Brésil, Lula, ouais. Il est pour ce Mercosur. Les criminels climatiques. Les criminels climatiques, donc plus axés sur le climat et l'écologie. Attaque nationale avec Rester sur Terre lance une pétition contre les jets privés. Donc une pétition à signer sur le site Attaque, donc onglet écologie, société, campagne criminelle climatique. Direct, ouais. RCL. Le RCL, c'est pas comme Racing Club de Lens. Ah ben moi, pour moi, c'est Racing Club de Lens, hein, je suis désolé. Mais comme rencontre des comités locaux, dans ce qui s'appelait anciennement le comité national des comités locaux. Conférence, oui. Donc la dernière s'est tenue en visio le 11 mars. Et on vous donnera plus d'informations le mois prochain, parce que pour l'instant, on n'en a pas énormément. Là, on compte sur toi. Sur le local, donc, je vais commencer par Roubaix et Tourcoing. Donc, l'initiative d'Attaque Roubaix Tourcoing, un collectif roubaisien contre la réforme des retraites, s'est constituée il y a un mois avec des réunions tous les mercredis soirs à 18h30 à la Falle de Roubaix. Donc, il s'agissait d'ancrer la mobilisation dans les quartiers, au plus près du terrain, par des actions locales. Et à l'initiative de la JOC et d'Attaque Roubaix Tourcoing, donc un ciné-débat avec le film de Gilles Perret, l'excellent film de Gilles Perret, La Sociale, a eu lieu le 11 mars à la Falle. La recette a été versée intégralement à une caisse de grève. Un autre ciné-débat aura lieu au même endroit pour le film Le Peuple, un film sur les gilets jaunes de Chartres notamment, donc le lundi 3 avril à 18h. En radio, il n'y a pas que Radio Campus, il y a aussi Radio Boomerang et Radio Pastel à Roubaix. Donc il y a eu deux émissions qui sont rediffusées sur les retraites notamment et les transports gratuits à Pastel. Avec Nassim et toi, je crois. C'était Jean-Louis Lucas Jean-Louis. Et moi. Allez. Et la réunion du collectif transport gratuit, puisqu'on est toujours sur la brèche, donc le mercredi 22 mars à 15h à la Falle. En effet. Eh bien, pour Lille, je confirme que les trois attaques de la métropole sont membres du conseil d'administration de NADA depuis l'AG constitutif de 2021. C'est donc notre deuxième mandat au conseil d'administration. Le renouvellement a été fait le samedi dernier, 11 mars. AG au cours de laquelle il a été dit que l'aéroport envisage une ligne aérienne Lille-Lyon. On croit rêver. Mais si tu me dis que c'est pas possible, c'est possible, ce serait mieux quand même. Je rappelle que pour avoir perdu en référé sur la question de fond qui t'a posé, qui était posée par NADA contre l'aéroport de Lille-les-Quins, NADA continue sur l'étude d'impact insuffisante concernant les nuisances sonores, la pollution de la ressource en eau et les conséquences sanitaires pour les habitants. Donc c'est un dépôt donc de dossier sur le fond et ça risque de durer un certain temps avant qu'on ait une réaction du tribunal. La dernière action de NADA connue, c'est le 21 février à 19h, qui a interpellé Xavier Bertrand, notre président de région, sur les réseaux sociaux. Il n'aime pas du tout. Et puis, il s'est plaint auprès du préfet pour dire que l'association de Rester à Terre, dont tu parlais, avait organisé une contre-manifestation avec mot d'ordre de désobéissance civile. Et donc, le président de la MRES a été convoqué par le préfet pour lui dire qu'il ne respectait pas le fameux contrat républicain. d'engagement républicain. Retour au national, depuis le début de l'année 2023, trois raids meurtriers ont été menés par l'armée israélienne dans les villes de Jénine, Jéricho, Naplouse en Jordanie, et la toute dernière dont j'ai oublié le nom, ce qui fait que Attac est présent pour soutenir effectivement l'amitié, les amitiés de l'île Naplouse, et on était présent avec du très beau monde. Il y avait un rassemblement à OASM, oui, là. Avec la LDH, avec les Verts aussi. Et donc, pour soutenir Israël. Voilà, nous demandons à la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, de tenir Israël pour responsable des attaques contre les Palestiniens. Ok, donc on passe aux actualités, à l'agenda militant. Ouais. Je vais vous présenter trois soirées de soutien aux caisses de grève. Donc la première, elle est le lundi 20 mars à 20h, donc la projection du film Grève Générale, un documentaire 2008, donc au profit du collectif précaire et du CLIL Métropole. Ce documentaire se passe en 2006, le projet de loi contrat première embauche CPE annonce un risque d'aggravation de la précarité de l'emploi pour les jeunes. Et donc Daniela De Félix et Mathieu Châtelier vont accompagner Caméra et Perche au Point, les étudiants grévistes de Caen barricadés dans les locaux de leur fac, comme dans une ville assez siégé. Et donc c'est lundi au cinéma L'Univers à Lille. Projection de La Sociale de Gilles Perret, donc encore une fois, cette fois, mais par contre c'est aussi au cinéma L'Univers, donc je rappelle vite fait, documentaire de 2016 sur l'histoire de la sécurité sociale. Et donc c'est le mercredi 22 mars, accueil à partir de 19h, projection à 20h, donc toujours en soutien en caisse de grève. Et enfin, projection du film documentaire Les Jours Heureux, également de Gilles Perret. Cette fois, c'est à Bailleul, au Café du Centre, place Charles de Gaulle. Ça sera le vendredi 24 mars à 19h. Donc, le documentaire porte sur la rédaction du programme du Conseil national de la Résistance, donc appelé Les Jours Heureux. Donc, une autre projection, donc cette fois à l'occasion d'une nouvelle en Kurde, Kurdistan, la guerre des filles de Mylène Soloy. Suivi d'un échange avec donc la réalisatrice en visio avec les partenaires du Kurdistan. Ça sera au LAG le dimanche 19 mars de 15h à 19h, 23 avenue Jean Jaurès à Liévin. Participation libre en soutien à Rojava et aux victimes du tremblement de terre. Et pour finir, un peu d'histoire militante féministe avec l'atelier d'histoire critique qui vous invite à une rencontre avec l'historienne Mathilde Larère, enseignante chercheuse en histoire, spécialiste du 19e siècle. Dans son dernier ouvrage, Gun and Roses, les objets des luttes féministes, donc, qui est sorti en 2022 aux éditions Détour, Mathilde Larère raconte avec érudition et humour l'histoire des objets connus et insolites des luttes féministes. La rencontre aura lieu à partir de 15h, le samedi 8 avril à la médiathèque Jean Lévy, donc située rue Édouard Delsalle à Lille. Et donc vous pouvez retrouver tous ces rendez-vous et bien d'autres sur le site lille.demosphère.net. Merci Florent. Donc, angle d'attaque, c'est fini pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous le mois prochain, le 15 avril, avec un thème qui est celui de la fin de vie, avec Monique Latsou, qui est déléguée départementale de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, sa collègue Nadine Bourgeois et un médecin de l'équipe de la DMD. Le 29 avril, on n'a pas encore eu de décision, mais ça va être très bien, sûrement. Voilà, prenez soin de vous. Ça veut dire en clair, ne lâchez rien. Bon week-end.